est patienté, je suis pas là pour le moment. Je rappe avec mes collègues, dis-le à ta maman. Mais merde, j'avais oublié que j'étais en train de chercher de la thune, hiver comme été. Père de Asics, t-shirt chez Guevara. Je vis ma vie, mais comme on dit, qui vivra verra. Chéri, kiss-moi la joue et je te demande si t'as l'heure. C'est Baby Sugar alias Zerka, le freestyler. Algérien, c'est pas du Tommy. J'ai pas après le mic comme la joue à Tony. Le flow, moi je viens métamorphoser. Défier le grand maître, de nos jours faudrait oser. Avec FK, Alish, même galère, même routine. Notre avis sont la vodka comme les meetings à Poutine. Quotidien urbain, ou chronique pathétique. Nous mets pas d'éthique, non appelle pas ton équipe. Notre quotidien se résume, mon shit est au gros tas. Son chenilité au garde, handicap et pète. Notre quotidien se résume à l'actu ghetto. Notre quotidien se résume sur le morceau. Notre quotidien se résume, mon shit est au gros tas. Son chenilité au garde, handicap et pète. Notre quotidien se résume à l'actu ghetto. Notre quotidien se résume sur le morceau. Toujours rêvé de finir ma vie à Miami. Mon quotidien n'est pas un luxe, demande à mes amis. Traîner, boire, faire du business pour se satisfaire. La cité est un fléau qui te fout la tête à l'envers. Parvenir à mes faits, je préfère mourir que souffrir. Mon quotidien est trop merdique, je pense plus à l'avenir. Je rêve pas d'une carrière, moi je laisse ça aux autres. Ce que je veux c'est être heureux, ouais comme les autres. On peut pas rafler pareil, on vit pas la même chose. Je m'en veux pas si je vis tout le temps avec le malheur. Faire confiance à l'amour, une guerre déclarée. Mon quotidien ne pas faire confiance en sa majesté. J'ai vu le bonheur s'écarter trop tôt. Je calcule plus et continue à écrire des morceaux. Mon quotidien c'est d'aller trouver un CDI, de ne pas dépendre ou toucher le RRMI. Mon quotidien se résume, mon shit est au contrat. Son schmitt est au garde, handicap et pète. Mon quotidien se résume à l'actu ghetto. Mon quotidien se résume sur le morceau. Mon quotidien se résume, mon shit est au contrat. Son schmitt est au garde, handicap et pète. Mon quotidien se résume à l'actu ghetto. Mon quotidien se résume sur le morceau. Quotidien urbain, une chronique pathétique. Nous mets pas d'éthique, non appelle pas ton équipe. C'est vrai, j'ai le nom arabique et la peau basanée. J'ai pas les diplômes pour taper pendant des années. Alors on serre les coudes et on serre les dents. Regarde de travers, tu y perds tous tes dents. La panousse de Tchekar où on a grandi. Tous les jours ça pose vocabulaire de bandit. On a la tête sale, ok. Et la tête c'est les sao. On vit souvent le bas, tous en scène comme des salauds. Délire devant les arts, qu'est-ce qu'on aime sympathiser. Poser des couplets à l'aise en train de teaser. Mon quotidien n'est pas une belle playmate à regarder. Mais si ça parle de shit, t'inquiète pas, je vais te regarder. Football au synthé, rodé ou en vintage. J'ai la dista pour peinter, regarde mes gueules et synthé. Mon quotidien se résume, mon shit est au gros tas. Son schmitt est au garde, handicap et pète. Notre quotidien se résume à l'actu ghetto. Notre quotidien se résume sur le morceau. Notre quotidien se résume, mon shit est au compte. Son schmitt est au garde, handicap et pète. Notre quotidien se résume à l'actu ghetto. Notre quotidien se résume sur le morceau. On squatte les bancs en attendant la femme de l'avenir. Vent patch, rap, ta soirée délire. Se lève tôt en matinée, pourquoi foutre, je sais pas. Puisqu'on fait mic des mois, zèle, puisque la plupart c'est détaspé. Reste concret, sérieux avec les vrais, ce qui baissent pas leur propre. Ne doute pas des anciens qui ont vécu pire que nous à notre époque. Nos darons pètent les plombs, nos sœurs étudient leurs leçons. Nous dehors tout le temps à la recherche du pognon. Parle de kilos, rêve de gros merco. Regarde la télé, mate les inventions de Sarko. Et calme, puis c'est mort. Faut les réveiller. Le rap est un jeu, mon quotidien est baisé. Ma route martyrisée, 2010 pulvérisée. Mon quotidien c'est un combat non terminé. Mon quotidien avoir des milliards, une villa, une beauté. Je rêve pas trop, pour l'instant c'est galère. Réciter. Mon quotidien se résume, mon shit est au contrat. Son schmitt est au garde, handicap et pète. Notre quotidien se résume à l'actu ghetto. Notre quotidien se résume sur le morceau. Notre quotidien se résume. résume, mon shit est au quota. Son schmitt est au cadavre, handicapé pète. Notre quotidien se réduit à l'actu ghetto.